بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول معشر الإخوة يقول الشيخ محمد ابن سعيد رسلان العالم السلفي المصري حفظه الله تعالى إن السنة مقرونة بالائتلاف والاجتماع وأما البدعة فمقرونة بالتفرق والاختلاف يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والاختلاف فالفرقة مقرونة بالبدعة وأما الاجتماع والألفة فمقرونان بالسنة والناس إذا سمعوا السنة اليوم فهموا منها الهدي الظاهر من إطلاق اللحية وتقصير الثوب واستعمال السواك وما أشبه ذلك وليس الأمر كذلك فإن السنة في لسان الشرع تشمل الدين كله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتزام طريقته وطريقته هي السنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام بطريقته وطريقته هي السنة فإذا أمرنا الناس باتباع السنة فلا يفهمن أحد أننا نأمرهم بإطلاق اللحية وتقصير الثوب واستعمال السواك فقط فهذا جزء من السنة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله ندي لا سنة dans les textes anciens est toujours lié à l'union des musulmans qui s'accrochent à celle-ci. Quant à l'innovation, les inventions en religion, que cela soit dans la croyance ou dans les actes, est toujours liée dans les paroles des anciens à la division et à la divergence. Car la sunna, elle mène à l'union. Quant à l'innovation et les inventions en religion, et les rajouts dans celle-ci, ne mènent qu'à la divergence et à la division des musulmans. La division est donc toujours liée. Dans le discours des premiers de cette communauté, la division est toujours liée à l'innovation et au rajout dans la religion. Quant à l'union, elle est toujours liée à la sunna et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qui nous a été rapportée authentiquement. Et les gens aujourd'hui, la plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'ils nous entendent parler de la sunna, ils comprennent automatiquement la guidée extérieure, à savoir ce qui fait partie de la sunna dans les apparences. Lorsque les gens entendent sunna aujourd'hui, ils entendent automatiquement ou ils voient automatiquement la barbe, le vêtement court et l'utilisation du siwak et autres parmi les choses apparentes qui font certes partie de la sunna. Mais le fait de croire que la sunna n'est que cela, c'est une erreur. Cela est faux, car la sunna, dans le vocabulaire religieux de la législation d'Allah Azza wa Jal, la sunna englobe toute la religion d'Allah Azza wa Jal. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit « Accrochez-vous à ma tradition, à ma sunna, qui est également celle de mes califes bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci avec vos molaires et faites attention aux nouvelles choses dans la religion. Et sachez que toute innovation est égarement et que tout égarement est voué à l'enfer. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne dans ce hadith de se tenir à sa voix et à sa manière de faire, alayhi salatu wa sallam, dans la religion d'Allah et dans les actes par lesquels on se rapproche d'Allah jalla wa ala, que cela soit des actes de la langue ou de la langue ou des membres ou encore du cœur. Donc lorsque on enjoint à nos frères et sœurs musulmans et musulmanes de se tenir à la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que celui-ci nous l'a ordonné, que personne d'entre vous ne comprenne que nous sommes justes et simplement en train de leur ordonner de laisser pousser leur barbe et de raccourcir leurs vêtements et d'utiliser le siwak, et puis que ça s'arrête là. Non, cela est une mauvaise compréhension de la sunna. Cela est une mauvaise compréhension de la sunna, et ces choses-là font certes partie de la sunna, mais ne représentent qu'une partie de celle-ci. Ces choses-là, aussi importantes soient-elles, ne représentent qu'une partie de la sunna. ولما وقع الاختلاف في الأمة وخرجت الخوارج ثم حدث بعد ذلك ما حدث من بدعة الروافد وما تبع ذلك من الاختلاف والافتراق والاقتتال بين طوائف الأمة كان هذا من البدعة فتميز أهل الحق بالصراط الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحق واحد لا يتعدد وأما الأهواء فكثيرة لا تنحصر الحق واحد لا يتعدد وأما الأهواء فكثيرة لا تنحصر. Et lorsque les divergences ont commencé à naître dans la communauté musulmane et que les groupes se détournant de cette première voie qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sont apparus s'écartant ainsi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance et le dogme, et que sont apparus des groupes innovés et innovateurs tels que Rawafid ou encore Al-Khawarij, et que ces groupes musulmans ou s'affiliant à l'islam, bien qu'ils ne sont pas sur la voie d'origine de l'islam, mais ce sont tout de même des groupes qui s'affilient à l'islam. Et lorsque ces groupes ont commencé à s'entretuer, eh bien, cette nouvelle apparition et ces nouveaux événements dans la communauté étaient à cette époque-là considérés déjà par le sunna comme étant une innovation. Car non seulement ils sont sortis de la voie des premiers, mais en plus de cela, ils se sont mis à s'entretuer. C'est alors que les gens de la vérité qui suivait encore le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la trace ont dû se distinguer avec cette vérité qu'ils détenaient encore en eux-mêmes. Car on sait très bien que la vérité, il y en a une seule. Quant aux passions et aux envies des gens, il y en a beaucoup. La vérité ne se multiplie pas. Elle est au nombre d'une seule. Quant aux faussetés et aux passions des gens, elles sont très nombreuses et incernables. وقد بين لنا ذلك ربنا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في بيانه وخطابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وحوله بعض أصحابه وهو على الأرض فخط خطا مستقيما ثم جعل على جانب هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة ممالة وقال صلى الله وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى عفوا قال هذا صراط الله وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قال تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur Azza wa Jal dans son livre, nous a clarifié le danger de la division de la communauté. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également clarifié dans ses paroles et ses actes et nous a prévenu contre cette division et sa gravité et son danger. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour assis avec un groupe de compagnons, radiallahu anhum, à plein le sol. Et il a tracé sur ce sol une ligne droite. Ensuite, il a tracé de part et d'autre de cette ligne des petites lignes penchées, comme s'il dessinait une épine de blé. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, à la suite de cela, ceci est la voix d'Allah, en parlant de la ligne droite. Ceci est la voix d'Allah. Quant aux petites lignes de part et d'autre, ce sont les sentiers de Shaitan. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un démon qui appelle à sa propre personne. Ensuite, il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, dont le sens est « Voici donc ma voie droite, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de mon sentier. » وكان الناس على الأمر الأول حتى وقعت الفتنة فتنة الخوارج وقتل عثمان رضي الله عنه فعليك بالأمر الأول يا أخ الإسلام عليك بالأمر العتيق قبل الافتراق وقبل قتل عثمان والأهواء كثيرة وهي مع كثرتها لا تؤدي إلى الغاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما إلى الجنة وإلى رضوان الله والخط المستقيم كما هو معلوم هو أقصر مسافة بين نقطتين هذا معروف في علم الرياضيات الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين ثم خط عليه الصلاة والسلام بجانبيه خطوطا قصيرة لا تؤدي إلى الغاية بل تشتت السالك فيها وتحرفه عن الصراط المستقيم والصراط المستقيم معشر الإخوة هو الدين الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Et les gens à cette époque-là, après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, étaient encore sur la voie des premiers, étaient encore sur la voie d'origine. Mais lorsque la grande discorde et la grande fitna et les grands troubles sont apparus dans la communauté lors de l'apparition de la secte de l'Khawarij, peu importe leur dénomination actuellement, que cela soit, qu'ils soient nommés Al-Qaïda, ou qu'ils soient nommés Daesh, ou qu'ils soient nommés Nusra, ou qu'ils soient nommés Jabhat al-Tahrir, ou peu importe leur nom actuel, tant qu'ils sont sur la même croyance, point par point, sur la même voie et la manière de faire que ces premiers-là qui ont tué les meilleurs des hommes, radiallahu anhum, eh bien, ils sont tout de même considérés comme étant des khawarij. Lorsque les khawarij sont apparus et qu'ils ont assassiné Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui est le deuxième calife, Afwan, le troisième calife de l'islam, qui est le troisième calife de l'islam, radiallahu anhu. Alors les grandes épreuves ont commencé. Une grande part de mal s'est ouverte sur la communauté musulmane. Le cheikh, il dit, tu te dois, ô cher frère, de suivre la voie des premiers, cette voie qui est sûre et qui était ouverte et claire pour tous avant l'assassinat de Othman, radiallahu anhu. Car les passions sont nombreuses. Les passions et la manière de voir les choses chez les gens sont nombreuses. Mais malheureusement, malgré leur grand nombre, les passions ne mènent pas au but pour lequel Allah nous a créés. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné une ligne droite, il a nommé cela comme étant, ou a décrit cette ligne comme étant la voie d'Allah, la voie droite d'Allah azza wa jal, qui mène droit vers lui, sans faire de détour. Et ensuite il a dessiné des petites lignes, penchées de part et d'autre, pour faire comprendre que ces lignes-là ne mènent pas au but pour lequel nous avons été créés. Plutôt, ces petites lignes-là te détournent du but pour lequel tu existes. Et cette voie droite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessinée sur le sol, eh bien, c'est la religion avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah azza wa jalla. فاختلف الناس وتفرقوا وخرجت الخوارج وأصلهم ذلك الرجل الذي اسمه ذو الخويصرة الذي اعترض على القسمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد وهذا شأن الخوارج في كل عصر ومصر الغلو والتشدد والتنطع في دين رب العالمين وهو الحادث في عصرنا هذا يذبحون الناس ذبحا كما تفعل تلك الفرقة المجرمة الضالة التي تسمى بداعش فهؤلاء يتقربون إلى الله بالذبح وأميرهم الأمير الذباح أميرهم أبو بكر البغدادي هذا الضال الهالك المجرم المنحرف في معصمه ساعة بخمسة وسبعين ألف جنيه مصري لأنها بعشرة آلاف دولار يعني برميل البترول الذي يبيعونه في كل ساعة يعني وصوره يعني صور هذا الخليفة المزعوم صوره معجون مكين منشورة مبذولة للناظرين لماذا يجلس مع هذا الرجل تحت يد هذه الفرقة المجرمة وهي الخوارج لما يقرب السبب لما يقرب والجواب أنه يقرب من 60% من بترول العراق تنهبه أمريكا منهم لأنهم صنيعة أمريكا كما أن الإخوان المسلمين صنيعة المقابضات الإنجليزية كما هو معلوم. Ensuite le cheikh il a dit, lorsque les gens se sont divisés et que les khawarij sont apparus, un grand mal s'est abattu sur la communauté. Et à l'origine de cette secte qui est le Khawarij, il y a un homme qui s'appelait Dhu al-Khawaisara. Il était nommé également Ibn Abdillah al-Tamimi. Lorsque cet homme s'est interposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis debout devant lui en lui disant « Sois juste, ô Muhammad, car tu n'as pas été juste. » Qui d'entre nous oserait dire cela à son père alors qu'il est juste? Que dire donc de celui qui le dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme le plus parfait sur le plan humain? On est bien d'accord qu'il n'a aucun attribut divin, alayhi salatu wa sallam, c'est un humain. Walakin, il est parfait sur le plan humain, alayhi salatu wa sallam. C'était l'homme le plus juste, le meilleur homme ayant marché sur terre. Et malgré cela, ce khariji se met debout devant lui et lui dit « Sois juste, ô Muhammad, car tu n'as pas été juste. » Ceci est la manière de parler de l'Khawarij en toute époque. En toute époque, et c'est leur manière d'agir. Ils ont de l'extrémisme dans le sang, de l'extrémisme, de la dureté dans la religion d'Allah, le Seigneur de l'univers. Et à notre époque, ils ont encore la même manière de faire. Et ils vont même plus loin. Ils ne se suffisent pas de parler, mais plutôt, ils vont jusqu'à égorger et immoler et massacrer les peuples, des peuples musulmans entiers. Que dire donc des non-musulmans ? Et je mets une petite parenthèse pour les non-musulmans qui vont nous entendre, pour leur faire bien comprendre que cette secte contre laquelle les premiers de la communauté musulmane et les derniers ont mis en garde, ce n'est pas une communauté qui est un danger seulement pour les non-musulmans, mais également et surtout pour les musulmans eux-mêmes. Cette secte va, à notre époque, jusqu'à massacrer des peuples musulmans entiers. Comme à titre d'exemple, ce groupe contemporain, criminel et égaré, qui est nommé Daesh. Ces gens-là prétendent se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla en immolant et en massacrant des peuples, en massacrant des villages et des villes et des pays entiers, au nom d'Allah, soi-disant. Et leur amir et leur soi-disant gouverneur qui s'est autoproclamé calife, comme ils le prétendent, qui est Abu Bakr al-Baghdadi, eh bien sachez que les savants de la sunna le considèrent comme étant un homme égaré et voué au péril. Il est considéré comme étant un criminel et égaré de la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses photos avec de représentants d'État qui montrent clairement leur guerre menée contre l'islam et les musulmans sont propagées partout, sur Internet et autres, telles que ces photos avec John McCain et d'autres, sont propagées partout. Alors comment se fait-il que ce genre de personnalité politique se retrouve partout en photo avec un homme qui est à la tête d'une secte aussi dangereuse et qui menace autant le monde et de qui on entend parler dans tous les médias? Comment se fait-il? Tout simplement, car ce groupe est en vérité une fabrique de cet état-là. Ce groupe a été fabriqué, c'est un produit fini, fabriqué des propres mains de cet état-là et de ce pays-là, qui pompe à l'heure actuelle jusqu'à 60% voire plus du pétrole irakien sur lequel ou duquel cette secte et cette armée criminelle s'est emparée. Cette armée criminelle s'est emparée de ces puits de pétrole se trouvant dans ce pays musulman et qui est un droit des musulmans. Mais comment se fait-il donc que d'aussi grands pays et d'aussi grandes puissances mondiales s'allient avec des sectes aussi dangereuses qui menacent autant le monde et dont les photos se propagent partout ensemble sans aucun problème? Tout simplement car derrière cela, il y a de grands profits mondains et financiers. Et après, on nous fera croire que c'est un conflit politique et une menace de sécurité. Et qui est-ce qui subit? Eh bien, c'est le musulman. Et de manière plus précise, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et donc, le cheikh nous dit que Daesh est une marque de fabrique américaine. Comme les dossiers privés qui ont été dévoilés le montrent clairement. Tout comme les frères musulmans sont un produit fini anglais, comme tout le monde le sait à l'heure actuelle également. إلى أن قال حفظه الله وكذلك في ليبيا البترول الآن تحت أيدي هذه الفرقة المجرمة التكفيرية والغرب يستحوذ على هذا البترول وهو حق الشعب المسكين الذي صار إلى ما صار إليه من الشتات في الأرض. Également, parmi les peuples et les pays victimes de ce groupe et de leurs alliés parmi les non-musulmans et les ennemis de l'islam, il y a la Libye. Et vous savez que le pétrole libyen à l'heure actuelle est entièrement sous la main de ce groupe criminel et cette secte qui déclare apostat et mécréant la communauté musulmane entière. Seuls eux sont musulmans. Cette secte-là, seuls eux sont musulmans. Et il profite de ce bien qui est le pétrole, qu'il vende aux occidentaux. Ils se font de l'argent sur le dos du peuple musulman, qui est en vérité prioritaire et en droit sur ce qui est dans son pays, tel que le pétrole. Et ce sont les musulmans et les gens de la sunna de manière précise qui sont les premières et les dernières victimes et qui se retrouvent propagés et jetés un peu partout dans le monde, comme on le voit à l'œil nu, tels que les Syriens, les Irakiens et autres, parmi les pauvres musulmans qui se sont retrouvés en dehors de chez eux sans rien à cause de cette secte et de leurs alliés parmi les non-musulmans qui sont cachés sous la table et derrière les coulisses. إلى أن قال حفظه الله وما زال المجرمون التكفيريين والخوارج الذين خالفوا الله الذين خانوا الله وخانوا الرسول وخانوا الدين وخانوا الأرض وخانوا العرض ما زالوا يحاولون جاهدين إحداث الفوضى في البلاد من أجل الخراب العام والفوضى الشاملة احذروهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذركم منهم قال هم كلاب أهل النار وهؤلاء كلهم من الخوارج المجرمين إلزموا السنة فإن السنة هي الدين العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك تمسكوا بدينكم واعلموا أن رياح الفوضى عاصفة وهي قادمة قادمة وإن لم يتماسك أفراد الأمة تماسكا حقيقيا قاتلتهم وكددتهم ومزقتهم وضاعت أعراضهم وانتهكت حرماتهم وبذذت ثرواتهم وصاروا شراذمة في الأرض. Ensuite le cheikh il dit: et les criminels parmi les takfiriyoun extrémistes et khawarij qui ont trahi Allah, car ils propagent leur mal dans la terre ou sur terre au nom d'Allah Azza wa Jal. Ils ont trahi Allah et trahi son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont trahi la religion, ils ont trahi l'honneur des musulmans et de l'humanité. Ils ont également trahi la terre entière, car ils mentent au nom de l'islam. Ces extrémistes khawarij, takfiriyoun, essayent et tentent jusqu'aujourd'hui encore, de toute leur force et jusqu'au dernier souffle, de semer la zizanie et le trouble et le désordre sur terre et dans les pays, musulmans soient-ils ou non, pour démolir l'humanité et la sécurité dans les pays. Prenez garde à eux, car votre prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a mis en garde contre eux, et il a été jusqu'à les décrire comme étant les chiens de l'enfer. Et ces gens-là, ce sont le khawarij et criminels. Le cheikh il dit également: accrochez-vous à la sunna, qui est la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit dans la croyance ou les adorations ou le comportement. Accrochez-vous à votre religion et sachez que la tempête des troubles et des grandes discordes ne va. Et sachez que la grande tempête des troubles et de la grande discorde ne fait qu'arriver. Et que la plus grande tempête ne s'est pas encore abattue. Et qu'elle arrive à grands pas et de manière certaine et sans aucun doute. Si les membres de la communauté musulmane ne s'alliaient pas les uns aux autres, ils ne s'unissent pas, ils ne s'accrochent pas à cette sunna et à cette religion, ils vont se faire déchiqueter, déchirer, démunis de leur honneur et de leur bien, et ils vont se retrouver propagés et divisés partout sur terre, sans aucune force et aucun mot à dire. Haribu tilka al-jama'at al-mujrima, ittaqullah, fa'innaha jama'at al-mujrima, tamassaku bis-sunna. تمسكوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتموا إلى هؤلاء الذين لا يريدون لكم إلا الدمار والخراب والفوضى حاربوهم بكل سبيل دلوا عليهم قاطعوهم لا تخاطبوهم لا تساكنوهم ولا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم لا تلقوا على أحد منهم السلام ولا تردوا على أحد منهم السلام هذا هو حكم الله فيهم. Le cheikh il dit également, craignez Allah et contrez ces groupes extrémistes et criminels. Ne vous joignez pas à eux. Accrochez-vous à la sunna, accrochez-vous à la religion de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne rejoignez pas leur rang. Ne rejoignez pas ces gens qui ne veulent pour vous que la destruction et la discorde et le désordre. Contrez-les avec tous les moyens possibles. Également, dénoncez-les, boycottez-les, ne leur parlez pas, n'habitez pas avec eux, ne leur achetez rien, ni ne leur vendez rien du tout, ne les saluez pas et ne répondez pas non plus à leur salut. Et c'est ça le jugement d'Allah les concernant. Et c'est ça le jugement d'Allah les concernant. Ça, c'était la parole de Cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan Hafidahullah Ta'ala sur l'actualité, afin que vous compreniez un peu de quoi nous voulons parler. Ensuite, j'aimerais vous faire part des dires d'un grand savant de la Sunna sur cette secte et leur description de manière précise. Les écrits que je vais vous lire à l'instant sont ceux de Mohammed, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Hamid Hassouna, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant de la Sunna, parmi les savants égyptiens également. Il dit, rahimahullah, Al-Khawarij ou ihda al-firq al-islamiyyah al-mariqa, min al-firqah, an al-firqah al-najiyah, wa lahum asma'un muta'addida, dhakaraha al-ulama. ومن تلكم الأسماء الحرورية نسبة إلى ضاحية من ضواحي الكوفة اجتمعوا فيها وأيضا من أسمائهم المارقة للحديث يمرقون من الدين وكذلك من أسمائهم الشرات لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة ومن أسمائهم أيضا المحكمة سموا بذلك لإنكارهم التحكيم وقولهم لا حكم إلا لله وهي كلمة حق أريد بها باطل ومن أسمائهم أيضا القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منهم ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد وغير ذلك كما ذكره الحافظ في الفتح ومن أسمائهم أيضا أهل النهروان لاجتماعهم لقتال علي رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع بمكان يقال له النهروان. الخوارج sont un groupe parmi les sectes qui s'affilient à l'islam en dehors bien sûr du groupe qui est encore sur les traces du prophète صلى الله عليه وسلم qui est le groupe sauvé de ces égarements-là. Et le Khawarij ont en vérité plusieurs noms qui nous ont été rapportés dans les textes de la part des premiers de cette communauté. Parmi leurs noms, il y a le Haruriya. Pourquoi le Haruriya? Car ça fait référence à une région qui s'appelle Harura, dans laquelle les premiers Khawarij se sont réunis en nombre de 6000 afin de combattre qui? Ali, radiallahu anhu, qui est le quatrième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son petit cousin, sur lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura un grand bien et de grandes conquêtes. Radallahu anhu wa arda. Ils se sont réunis dans cette région qui s'appelle Al-Harura, au nombre de 6000, afin de combattre Ali, le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont été surnommés Al-Haruriya. C'est comme si on disait aujourd'hui les habitants de Glin ou les gens qui se réunissent à Glin s'appellent les Glinois. Eh bien, c'est la même chose. Ils se sont réunis à Harura, ils ont donc été surnommés Al-Haruriyya. Ils sont également surnommés Ashurat, les acheteurs, par rapport à leurs prétentions lorsqu'ils disent « Nous avons acheté nos âmes de la part d'Allah avec en échange le paradis. » Ils sont également appelés Al-Muhakkima, les gens qui rejettent le jugement d'Allah et la législation d'Allah. Car ils ont déclaré, mécréant certains imams et certains califes comme Ali et Othman, en les accusant d'avoir appliqué autre que la charia d'Allah, autre que le jugement d'Allah. Donc ils sont surnommés Muhakkima, car ils ont accusé Sahaba d'avoir appliqué autre que le jugement d'Allah. Donc ils sont décrits comme étant des gens qui rejettent le jugement d'Allah, subhanallah, tout en prétendant vouloir appliquer le jugement d'Allah, Azza wa Jalla. Les Khawarij sont également surnommés les Qurra, les récitateurs ou les lecteurs. Ça, c'est linguistiquement parlant. Mais si on venait à détailler le sens de le Qurra en arabe, on irait jusqu'à dire que le Qurra, ce sont les gens qui déploient de très grands efforts dans l'adoration d'Allah, Azza wa Jalla. Car les Khawarij sont connus comme étant des gens qui font beaucoup d'efforts dans les bonnes actions, dans la récitation du Coran, dans la prière, dans le jeûne et autres. Mais le souci est que ils comprennent le Coran avec autre que son vrai sens. Et qui nous a expliqué le Coran selon son vrai sens? C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Quant à Al-Khawarij, eux, ils comprennent le Coran à leur manière. Et ils se permettent d'avancer leur avis et leur effort d'interprétation dans le Coran. Et ils sont connus également pour avoir de l'extrémisme dans l'ascétisme et dans le délaissement de la dunya et dans la torture de soi. Comme cela a été rapporté de l'Hafidh ibn Hajar dans l'explication de Sahih Bukhari, volume 12, page 296. Ils sont également surnommés les gens de Nahrawan. Les gens de Nahrawan. Parce que Nahrawan est une autre région, rien à voir avec Harura, dans laquelle ils se sont également réunis pour combattre Ali. Pour combattre Ali. Harura, ils s'étaient réunis pour s'armer et se renforcer. Mais Nahrawan, c'est l'endroit où la bataille s'est déroulée. C'est l'endroit où la bataille s'est réellement déroulée face à Ali radallahu anhu et son armée. وعدة فرق الخوارج 20 فرقة وليست فرقة واحدة فقط كما ذكر كما نقل ذلك الحافظ في الفتح عن أبي منصور البغدادي في المقالات. الخوارج ne sont pas une seule branche et un seul groupe. Les Khawarij sont en vérité au nombre de 20 branches, 20 groupes, 20 idéologies contenues dans l'idéologie de l'Khawarij. C'est pour cela qu'il ne faut pas se faire avoir lorsqu'on rencontre des Khawarij et qu'on prend le risque de discuter avec eux, ce qu'il ne faut pas faire, et qu'on se retrouve face à une personne qui dit autre que ce qu'on a déjà lu sur eux. C'est une erreur. À titre d'exemple, l'Khawarij, on sait qu'il déclare mécréant une personne qui commet un grand péché. Peu importe lequel, tel que l'alcool, à titre d'exemple. Il y a certains khawarij qui ne déclarent pas mécréant une personne qui boit de l'alcool, mais qui le déclarent mécréant pour d'autres choses. Alors il ne faut pas se faire avoir. À partir du moment où on voit que la personne nous dit « Non, pour moi, celui qui boit de l'alcool n'est pas kafir. » Ah ben c'est bon, c'est pas un khawarij. C'est pas le seul point. Les khawarij sont de plusieurs branches. Et il faut connaître leur aqidah afin d'y prendre garde. Et leur aqidah, elle est bien plus dangereuse qu'on le croit. En commençant par leur croyance au sujet d'Allah Azza wa Jalla et ses noms et ses attributs. Que dire du reste? Les Khawarij sont en nombre de 20 branches, comme cela a été rapporté par Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, volume 12, page 298, qui lui le rapporte à son tour de Abi Mansour al-Baghdadi dans son livre Al-Maqalat. وباستعراض الأخبار الواردة في هذه الفرقة المنحرفة عن منهج السلف نقف على خطرها العام ومن ثم ضرورة التصدي لها Et vu le danger de cette secte et de ce groupe qui est égaré de la voie des salafs, des pieux prédécesseurs qui sont sahaba, nous sommes dans l'obligation de citer, le cheikh nous dit, nous sommes dans l'obligation de citer leur danger, leur description dangereuse pour la communauté musulmane et pour l'humanité de manière générale. Parmi leurs dangers, il y a ce qui a été rapporté de Souayd ibn Rafla. Qala qala aliyun radiallahu anhu. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري وانظر الفتح في ذلك ورواه مسلم أيضا. Ali radallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, à la fin des temps apparaîtra un groupe de gens qui sera composé majoritairement de la jeunesse. Ils auront des rêves stupides, hein, quand on les voit se réunir devant l'Athénium ou le Palais Royal en disant que bientôt le drapeau de l'islam flottera sur l'Athénium ou autre, yani, on comprend un peu l'état d'esprit et le niveau intellectuel et la conscience de ces personnes-là, et surtout leur science de la religion et de la manière de la propager et de la manière par laquelle on arrive à instaurer cette religion dans un état. On voit qu'ils sont très loin de cette science. Et on voit qu'ils n'ont aucune connaissance de la législation musulmane et surtout de la manière de se comporter avec les non-musulmans. Qui n'est pas dans tous les cas dur et rude. Car eux n'ont dans leurs yeux que la haine et la dureté. Et ce n'est pas ça, l'islam qui nous a été rapporté de salaf. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, apparaîtra à la fin des temps un groupe de personnes composées majoritairement de la jeunesse, aux rêves stupides, qui diront parmi les plus belles paroles. Néanmoins, ces belles paroles ne dépasseront pas leur gorge. Et ce sont des gens qui, par leurs actes et leurs croyances, sortent de la religion aussi vite que la flèche sort de l'autre côté de la cible, une fois l'ayant atteint. Où que vous les trouvez, tuez-les. Et sachez qu'en les tuant, vous avez une énorme récompense le jour de la résurrection, rapporté par le Bukhari et Muslim. Entre parenthèses, je précise que le fait d'arrêter ce genre de personnes et le fait d'appliquer la sentence pénale sur eux, à savoir en islam, le fait de les exécuter, ne revient pas à toute personne et à tout musulman. Mais plutôt cela revient aux gouverneurs et aux dirigeants musulmans. Il ne nous appartient pas à nous de comprendre la religion comme eux la comprennent, qui est de prendre un couteau de cuisine ou une arme qu'on achète en contrefaçon et d'aller tuer une personne, qui qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Non, cela revient au gouverneur musulman, car on le voit clairement dans le reste des textes qui expliquent comment appliquer ce hadith. Donc, cette interpellation qui est le fait de les exécuter et de les éliminer de la terre, cette secte dangereuse et criminelle, yani cet ordre-là est dirigé du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gouverneurs et les dirigeants des pays musulmans et non pas envers chaque personne parmi les musulmans. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعملكم إلى عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث رواه البخاري رقم 99. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, va apparaître un groupe de personnes face à qui vous sous-estimerez vos prières aux leurs, et face à qui vous sous-estimerez votre jeûne aux leurs. Ils réciteront le Coran, mais sans pour autant qu'ils dépassent leur gorge, rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire que ces gens-là font énormément d'efforts dans les adorations. Il se peut qu'on distingue des traces de prosternation sur leur visage Il se peut qu'on distingue et ait en eux une grande motivation dans la religion et une dureté. Cela ne veut pas dire que la dureté c'est une bonne chose en religion. Mais on remarque chez eux une dureté, une fermeté, une motivation incroyable et imaginaire. Également d'après Abi Saïd al-Khudri, il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqatun qawmun yuhsinun al-qil wa yusi'un al-fi'l hum sharrul khalqi wal-khaliqa touba liman qatalahum wa qataluh yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi shay' من قاتلهم كان أولى بالله منهم رواه أبو داود في سننه وينظر في حكم هذا الحديث للعلامة الألباني رحمه الله également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit apparaîtra dans ma communauté une grande divergence et une division et va apparaître à la suite de cela un groupe de personnes qui disent de très belles paroles mais qui font de très mauvais actes. Ce sont les pires des créations. Annoncer la bonne nouvelle à qui les combat et les exécute. Et annoncer également la bonne nouvelle à celui qui se fait tuer par ces gens-là. Ces gens-là prétendent appeler au livre d'Allah, alors qu'ils ne font pas partie des gens du livre d'Allah et des suiveurs du livre d'Allah. Celui qui les anéantit est prioritaire auprès d'Allah que eux. Yani, celui qui les anéantit, c'est lui qui a de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et non pas ces groupes-là. Rapporté par Abu Daoud. Wa kana ibn Umar yaqul, wa kana ibn Umar yarahum shirara khalqillah. Wa qalu innahu muntalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha 'ala al-mu'minin. Wa anzur fi hadha Fath al-Bari. Ibn Umar, le fils d'Omar ibn al-Khattab, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le deuxième calife de l'islam, les considérer comme étant les pires des hommes. Les pires des hommes. Et il disait, radiallahu anhu, que ces gens-là utilisent des versets du Coran qui sont descendus concernant les mécréants et les appliquent sur les croyants. À titre d'exemple, ils disent « قَاتِلُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ » Combattez les mécréants et les hypocrites. Ils prennent ce verset et ils combattent ou ils exécutent des villages entiers de musulmans. Et c'est un témoin ici présent qui vous en parle. Et à la main et au couteau, pas avec des balles. Il y a une tête par tête. Au nom d'Allah Azza wa Jal. Au nom du combat pour Allah Azza wa Jal. Donc Ibn Umar radiallahu anhu disait, ces gens-là utilisent des versets qui concernent les mécréants pour les appliquer sur les croyants. Attention que lorsque je dis des versets qui concernent les mécréants, encore une fois je reviens à la précision de tout à l'heure. Tout verset dans le Coran qui appelle à affronter une quelconque armée ennemie de l'islam après qu'elle n'ait pas accepté le message, cela ne nous concerne en rien. Plutôt cela concerne les gouverneurs et les dirigeants des pays musulmans et à ceux à qui ils donnent les ordres et le pouvoir. Et non pas à chacun d'entre nous, en sortant d'ici en se disant « moi je vais aller combattre ». Abadan. C'est comme si on disait que tel pays musulman a déclaré la guerre à tel pays et que le président de ce pays-là a réuni ses troupes ou son armée, qui est officielle et à laquelle un quelconque musulman tenterait de se joindre. Tout cela est officiel et c'est ça qui est légiféré en islam. Et en aucun cas prendre un billet d'avion et partir sur place. Ça, c'est pas la manière de faire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Abadan. Abadan. وقال الحافظ في الفتح وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج هم شرار الخلق والخليقة وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله. Également, Hafid ibn Hajar rapporte, comme également il a été rapporté par Muslim, d'après Abi Dharr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ayant décrit lui aussi le Khawarij comme étant les pires des hommes. وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وسنده حسن. Également le bazar rapporte d'après Shabi, d'après Masrouk, d'après Aisha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est censé être notre exemple, celui que l'on suit, il a dit alayhi salatu wa sallam, en parlant des khawarij, qui sont nommés à l'heure actuelle Daesh, Al-Qaïda, Nusra et d'autres encore, d'autres noms. Chacun il fait un groupe et se donne un nom. Yani, c'est la mode. Et ils s'entretuent entre eux également, parce que même entre eux, ils sont mécréants. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrit le Khawarij en disant, ce sont les pires hommes de ma communauté qui seront tués par les meilleurs hommes de ma communauté. Et sa chaîne de transmission est acceptable. Hassan. Wa inda at-Tabarani min hadha al-wajh. Il y a des femmes ou pas? Oui? Il y a une pile chargée ou pas? L'autre, tu l'as mis chargé tout à l'heure? Tu l'as mis l'autre? On va donner la main. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد قال هم شر البرية وفي رواية عبيد بن أبي رافع عن علي عند مسلم من أبغض خلق الله إليه. Donc dans une autre version encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce sont les pires des hommes, et dans une autre version rapportée par Ubayd ibn Abi Rafi' d'après Ali qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans cette version là ce sont les hommes les plus détestés et les plus haïs auprès d'Allah عز وجل. وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض. وفي حديث أبي أمامة نحوه. Également le prophète صلى الله عليه وسلم aurait dit dans un autre hadith rapporté par الطبراني, les khawarij ce sont les pires, les khawarij ce sont les pires des hommes que l'on exécute sous le ciel. Yani, ce sont les pires des hommes que le ciel couvre. Et ce sont les pires des cadavres que la terre contient. Je répète, les Khawarij sont les pires hommes que le ciel couvre et les pires des corps que la terre contient. وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعا في ذكر الخوارج شر الخلق والخليقة شر الخلق والخليقة شر الخلق والخليقة. Également dans une autre version rapportée par Ahmed ibn Abi Shayba d'après le compagnon Abi Burza qui le rapporte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa propre bouche, il aurait dit alayhi salatu wa salam concernant le khawarij à trois reprises: ce sont les pires des hommes, ce sont les pires des hommes, ce sont les pires des hommes. وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة هم شر الخلق انتهى. Également d'après Abu Huraira, comme il a rapporté chez Ibn Abi Shayba dans la chaîne de transmission qui est rapportée par Umar ibn Abi Ishaq, Ibn Ishaq, il dit ce sont les pires des créations. وقال الحافظ رحمه الله أيضا وأخرج الطبراني في رواية عبد الرحمن بن أبي أنعم أبي نعم عن أبي سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وانظر ذلك في فتح الباري للحافظ ابن حجر. Et dans une autre version rapportée par Abdurrahman ibn Abi Na'am d'après Abi Saïd al-Khudri, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant les khawarij passeront leur temps à massacrer les musulmans tout en délaissant les idolâtres. De nouveau je reviens et je répète aux non-musulmans qui vont entendre cette conférence, sans aucun doute, Inch'Allah, c'est que le Khawarij sont une menace, tout d'abord pour l'islam et les musulmans, avant d'être une menace pour les non-musulmans. Regardez ce hadith dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les khawarij, à savoir les extrémistes que vous nommez actuellement les terroristes ou tout ce que vous voulez, ils passent leur temps à massacrer les gens de l'islam tout en délaissant les idolâtres. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils ne passeront pas leur temps à s'occuper et à massacrer les non-musulmans, mais plutôt les musulmans eux-mêmes. Rapporté dans Fath al-Bari par Al-Hafidh ibn Hajar. وفي المسند يعني مسند أحمد وغيره وصححه الألباني عن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار. انظر حاشية الخوارج والفكر المتجدد. également dans مسند أحمد et authentifié par l'Albani d'après ابن أبي أوفى il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les خوارج sont les chiens de l'enfer. Les خوارج ce sont les chiens de l'enfer. Et différentes explications ont été données au sens de ce hadith, au sens de ce hadith qui serait trop long de citer ici même. Mais inshallah, pourquoi pas dans un cours ou dans une conférence prochaine. Wa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dhukira lahu al-khawarij wa ijtihaduhum wa salatuhum fa qala laysa hum bi ashadd ijtihadan min al-yahud wa an-nasara wa hum ala dalalah. Également d'après également des hommes sont venus à Abdullah ibn Abbas, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le plus grand savant des sens du Coran al-Karim, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en disant ya Allahumma Allahumma allimhu Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Hunak du'a'an. Al-Muhim, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en déposant sa main sur lui, il a dit « Oh Allah, apprends-lui l'essence du Coran. Apprends-lui l'essence du Coran. » Et si vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel tafsir, il n'y a pas un verset sans qu'il y ait dedans « Ibn Abbas a dit. » Ibn Abbas a dit. Et vérifiez cela de vous-même. Ibn Abbas, radallahu anhu, qui est considéré comme étant turjuman al-Quran, le savant du Coran, lorsque les Khawarij ont été cités en sa présence, il a dit, radiallahu anhu, et lorsque les grands efforts dans l'adoration des Khawarij ont été cités en sa présence, c'est-à-dire que des gens se sont mis à dire devant Ibn Abbas, ces gens-là font beaucoup de prières, ils ne ratent pas une nuit, ces gens-là jeûnent beaucoup, ils ne ratent pas un jour, ces gens-là font beaucoup de sadaqa, ils donnent tout leur argent, ces gens-là, etc. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, leur a répliqué en leur disant, sachez que le Khawarij ne font pas plus d'efforts que les juifs et les chrétiens. Et sachez qu'en plus de cela, ils sont dans un égarement clair. Puisque le Khawarij considère qu'ils sont les seuls musulmans, et que tous les autres sont mécréants. D'ailleurs, que tous les autres sont mécréants. Et donc Ibn Abbas leur réplique en leur disant, les Khawarij, autant qu'ils pourraient faire d'efforts, ils n'en font pas plus que les juifs et les chrétiens, de toute manière. Les chrétiens dans l'adoration, ta'abboud, etc., l'ascétisme et l'adoration, et l'isolation. Et les juifs dans le savoir et la science qu'ils ont, etc., etc. Sans application. Eh bien, sachez qu'ils ne font pas plus d'efforts que les chrétiens et les juifs, et sachez que tout de même qu'ils sont sur un égarement clair. Walidha qala al-Ajuri rahimahullah في كتاب الشريعة صفحة 28 فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. L'Ajuri, rahimahullah, qui fait partie des grands savants de cette communauté ancienne, dans son livre Sharia, la législation, cette Sharia de laquelle tout le monde a peur, page 28, il a dit concernant ces extrémistes de qui tout le monde a peur, si vous voyez un khariji faire de grands efforts et faire beaucoup d'efforts dans l'adoration, et qu'en plus de cela, vous voyez que c'est un révoltaire contre les gouverneurs. Que ces gouverneurs-là soient justes ou injustes. Si vous voyez que ce Khariji est une personne qui se révolte et qui sort et qui se joint aux troupes qui combattent les gouverneurs musulmans. Si vous voyez que c'est une personne qui prend les armes ou qui appelle à les prendre ou qui compte les prendre. Si vous voyez que c'est une personne qui considère comme étant licite de faire couler le sang des croyants et des musulmans, eh bien, ne soyez en rien trompés par sa belle récitation du Coran. Ni ne soyez trompés par ses longues prières nocturnes. Ni ne soyez trompés par son grand nombre consécutif de jours jeûnés. Ni ne soyez trompés par ses belles paroles et sa science qui coule sur sa langue à partir du moment où sa voix est celle de l'Khawarij, qu'il soit d'Al-Qaïda ou Daesh ou Nusra ou autre parmi les groupes extrémistes et terroristes. Nous allons clôturer avec une chose. Lida ittafaqat al-ummah qadiman wa hadithan ala dhamm al-khawarij wa tadlilihim wa annahum qawm su'in wa 'usat lillahi azza wa jalla wa rasulihi وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية والشريعة للآج والري également شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله nous dit c'est pour ça que la communauté musulmane ancienne et contemporaine sur la voie des anciens ont toujours été tous unanimes et d'accord sur le fait de blâmer et d'accuser Al-Khawarij, sur le fait de blâmer et de mettre en garde contre Al-Khawarij et de déclarer clairement leur égarement et leur danger et de montrer, de clarifier aux gens leur mauvaise voie et d'informer l'humanité que ce sont des gens désobéissants à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, même s'ils prient beaucoup, même s'ils jeûnent beaucoup, et même s'ils font beaucoup d'adorations et de bonnes actions. Et regardez la preuve de cette parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans son recueil de Fatawa, volume 28, page 218. Wa nakhtimu bi hadhihi al-qissa al-ajiba wa hiya anna min jahalatihim al-shani'a annahum wajadu Abdullah ibn Khabbab radiyallahu anhu wa huwa من السلف الصالحين وجدوه ومعه أم ولد له حبلى أم ولد له حبلى فناقشوه في أمور ثم سألوه رأيه في عثمان وعلي تعلمون أنهم يكفرون عليا وعثمان إذ هم خوارج فسألوه رأيه في عثمان وعلي رضي الله عنهما فأثنى عليهما خيرا فنقموا عليه وتوعدوه بأن يقتلوه شر قتله فقتلوه وبقروا بطن المرأة انظر هذا في تاريخ الطبري وفي الفتح أيضا والفرق بين الفرق للبغدادي والجهالة في هذه القصة أنهم بعد ذلك مر بهم خنزير ماشية حيوان مر بهم خنزير لأهل الذمة خنزير كان صاحبه كافر ذمي وذمي كان يعيش في الدولة يدفع الجزية وكذا وهو ذمي لم يؤمن لكنه ذمي هو موجود في المجتمع المسلم بموافقة الحاكم الإمام المسلم وبشروط فمر بهم خنزير لأهل الذمة فقتله أحدهم فتحرجوا من ذلك وبحثوا عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزيره أرضوه بشيء بمال أو كذا في خنزيره حتى يسامحهم فيا لله العجب أتكون الخنازير أشد حرمة من المسلمين لكنها عبادة الجهال هذه عندهم عبادة فقال الحافظ ابن حجر وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور علم ولم يتمسكوا بحبل وثيق منه انظر الفتح وانظر الخوارج للسعوى. نعم توقف عند هذا نترجم إن شاء الله ونكتب. Et pour clôturer, je vais vous raconter une petite histoire que Tabari cite dans son livre Al-Tarikh, également Al-Hafidh ibn Hajar cite dans Fath al-Bari, et également que Al-Baghdadi, Al-Khatib al-Baghdadi cite dans son livre Al-Farq bayn al-Firaq, la différence entre les groupes, et également que cite Sa'wa dans son livre Al-Khawarij, une histoire étrange qui montre l'ignorance de ce genre de secte et de groupe. Extrémistes. Autant qu'ils sont extrémistes, autant qu'ils sont ridicules, stupides et ignorants. Un jour, un groupe parmi cette secte qui est le Khawarij, et qui n'a pas changé de manière de faire à l'heure actuelle, est passé devant Abdullah ibn Khabbab, à l'époque de Ali et Uthman. Donc un peu après Ali et Uthman, Ils sont passés, ces Khawarij-là, devant un homme qui faisait partie des pieux prédécesseurs qui s'appelait Abdullah ibn Khabbab. Abdullah ibn Khabbab était avec une femme, à lui, qui était enceinte. Ils se sont mis à débattre avec lui et l'ont finalement questionné sur Ali et Uthman. Que penses-tu de Ali et que penses-tu de Uthman ? Laisse jusqu'à ce que ça t'éteigne. Que penses-tu de Ali et que penses-tu de Uthman ? Puisque pour eux, Ali et Uthman sont des koufars, malgré que ce sont les califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, que penses-tu de Ali et Uthman ? Il a donc fait leurs éloges, Abdullah ibn Khabbab. Il a fait leurs éloges et les a vantés, radiallahu anhu. À la suite de cela, ils l'ont menacé de le tuer de la plus cruelle des manières. Ils se sont donc mis à le massacrer, ils l'ont tué et ont fini par éventrer cette femme qui était avec lui et qui était enceinte. Rapporté dans Al-Tarikh de Tabari. Et dans le Fath, également dans le Farq bayn al-Firaq d'al-Baghdadi. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, et c'est ce qui nous intéresse dans le fait de la citer, c'est qu'après avoir tué Abdullah ibn Khabbab et cette femme enceinte qui était avec lui en l'éventrant, ils sont passés devant un porc, qui appartenait à un homme parmi Ahl al-Dhimma. Qui sont Ahl al-Dhimma ? Ahl al-Dhimma, ce sont les non-musulmans qui vivent dans un état musulman avec l'accord du gouverneur musulman, avec certaines conditions, certaines taxes à payer et certaines interdictions dans le fait de prêcher à leur religion, etc. Ils sont dans un accord, il y a un accord entre eux et le gouverneur musulman pour vivre en paix dans le pays musulman, tout en étant non-musulman. Ça, c'est un non-musulman dans un pays musulman. Que dire donc de notre manière d'agir dans le pays non musulman, qui sommes nous dans leur société non musulmane? Donc cet homme qui faisait partie d'Ahl al-Dhimma, Dhimmiyoun, c'est qui? Ce sont les gens non musulmans qui vivent dans un pays musulman avec l'accord du gouverneur musulman sous certaines conditions qu'ils acceptent. Et suite à quoi, ils restent dans ce pays-là. Ces Khawarij qui ont tué Abdullah ibn Khabbab et qui ont éventré la femme qui était avec lui sont passés, à la suite de cette histoire-là, ils sont passés devant un porc. Ce porc-là appartenait, sachant que le porc est considéré comme étant un animal impur en islam. Ils sont passés devant ce porc qui appartenait à un dhimmi. Ils l'ont tué. Et après l'avoir tué, ils ont regretté. Ils se sont donc mis à chercher après la personne à qui il appartenait, à savoir le dhimmi, le non-musulman, bien qu'on a un certain respect envers lui car il vit avec l'accord du gouverneur sur cette terre. Néanmoins, il a quand même moins de valeur que le croyant et la croyante qu'ils ont tué. Auprès d'Allah Azzawajal, il a quand même moins de valeur, ce dhimmi. Or, eux, ils n'ont pas tué le dhimmi. Ils ont tué le porc du dhimmi. Ils se sont mis à chercher après le dhimmi pour s'excuser auprès de lui et d'essayer de se racheter à lui. Ils lui ont donné quelques biens en échange afin qu'il leur pardonne. Quelle étrangeté, Wallahi. Qu'est-ce qui a plus de valeur et de sacralité ? Le croyant à la croyance ou un porc? Donc vous voyez comment ils agissent, ces gens? Et encore aujourd'hui, ils agissent de la même manière. Et celui qui les entend parler verra des histoires et des paroles aussi étranges que celles-là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici. Et on continuera dans le prochain cours qui est prévu. Je ne sais pas si tu as fait l'affiche, Sofiane. Ouais. Mardi. Mardi après Salat al-Asr, Inch'Allah. On... Mardi, on est le combien mardi ? Non. Mardi après Salat al-Asr, Inch'Allah, on fera la suite et il ne reste pas grand-chose. Donc il nous reste quelques détails rapportés des premiers de cette communauté sur la description de ces gens-là afin de voir clairement maintenant à l'œil nu la coïncidence avec leur manière d'être à l'heure actuelle. Dans l'actualité. Et ensuite, on passera à quelques paroles de savants contemporains qui vivent ces troubles-là en même temps que nous et quels sont les conseils qu'ils nous donnent. Ces savants de la sunna, quels sont les conseils qu'ils nous donnent. Et si on a assez de temps, Allahu alam, je ne sais pas si on aura assez, parce que mon but, ce n'est pas non plus de faire trop long pour ne pas vous lasser, mais si on a assez de temps, on clôturera par quelques descriptions des gens de la sunna afin de ne pas les confondre avec cette secte dangereuse qui se nomme parfois à tort et mensongèrement comme étant les gens de la sunna ou bien les salafiyoun. Hada wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.